Nous allons donc à présent écouter Bastien Lesage, donc qui est doctorant à Paris 1 et qui effectue une thèse sous la direction de Renaud Barbara sur la tradition postmoderne. Et donc nous allons l'écouter parler de l'ontologie de Deleuze et Foucault. Voilà, nous vous écoutons. Merci. Je vous remercie. Alors je voudrais quand même avant tout remercier les deux organisatrices de ce colloque, Lady Cassan et Marion Chotin, pour la gentillesse et surtout la confiance qu'elles m'ont manifestée aujourd'hui. L'analyse que je vais essayer de vous présenter se situe d'un point de vue très contemporain. Et je vous prie, de ce point de vue, d'excuser mes inévitables largesses. Je vais vous exposer quelques réflexions sur ce que l'on peut dire de l'idée de systématicité philosophique dans les philosophies qu'on appelle, par le très inadéquat adjectif, postmoderne. Je ne peux donner ici que des indications. Il faudrait également en donner le contenu précis, mais j'en ai malheureusement pas le temps. Je vous prie de m'excuser. Par philosophie postmoderne, j'entends l'expression par laquelle on désigne principalement les philosophies de Derrida, Deleuze et Foucault. Alors autant l'affirmer immédiatement, de la réflexion sur la systématicité de la philosophie chez les philosophes postmodernes, il y en a. Bon. Au sens où j'entends bien qu'une certaine vulgate voudrait un peu trop rapidement finir avec ces penseurs massifs, hautement corrosifs dans la formulation de leurs critiques, en les disqualifiant sous divers motifs, au mieux ce seraient des poètes et au pire des imposteurs. Bon. Mais cette critique, loin de refléter une lecture correcte, ne serait-ce que correcte, des textes postmodernes, renvoie plutôt à un affrontement idéologique entre les tenants d'une philosophie, disons optimiste, qui n'a pas renoncé au rêve de la philosophie comme science, et les tenants d'une philosophie qui cherche, au contraire, à essayer de ressaisir une certaine notion de systématicité philosophique, mais en dehors des coordonnées et de la correspondance de la philosophie et de la science. Alors on ne comprend rien au postmoderne de façon générale si on ne les relie pas d'abord à une certaine opposition contre tout ce que l'hégélianisme réintroduit en France par la personne de Kojève, peut représenter de dogmatique et de systémique dans sa conception de la spéculation et donc du discours philosophique. On peut dire que les tout premiers balbutiements des philosophes postmodernes au début des années 60, encore très largement tributaires de l'influence très proche du structuralisme, peuvent se résumer en un arrachement à leur propre compréhension de la philosophie de Hegel, et notamment du rythme ternaire, toujours à trois termes, de la dialectique hegelienne. Je n'ai ici absolument pas le temps de m'étendre sur les détails techniques, par ailleurs effroyablement complexes, de la critique postmoderne de la dialectique hegelienne. Mais il me faut tout de même dire un mot sur l'aboutissement de cet affrontement avec la philosophie qui a prétendu achever, avec le philosophe qui a prétendu achever la philosophie. Selon la lecture postmoderne de Hegel, la philosophie trouve la finalité de sa systématicité par la résultante de son adéquation absolue avec le réel au travers de la figure de l'esprit. D'où la fameuse formule des principes de la philosophie du droit, tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. Hegel poserait donc de la manière la plus concise l'impératif fondamental, le but ou la finalité ultime de tout discours philosophique. C'est l'impératif que la philosophie soit absolument corrélée au réel, qu'elle en soit le miroir fidèle, de telle sorte que faire de la philosophie, ce serait dire l'être, dire le réel, et cela sans subir les risques immenses liés au mouvement du négatif propre à toute médiation. Tout se passe comme si l'esprit absolu, fait homme, ne pouvait dire que la vérité en vertu d'un excès privilégié à ce que peut être une philosophie véritablement systématique, c'est-à-dire véritablement miroir du réel ou de ce qu'il faut entendre comme tel. Avant d'en venir à la critique postmoderne d'une telle finalité, fût-elle cette finalité à l'horizon, comme disent les phénoménologues, je crois qu'il faut tout de même faire le constat que la philosophie, telle qu'on s'efforce aujourd'hui de la lire dans sa production et son mouvement actuel, ne trouve presque jamais les moyens de sortir méthodologiquement des cadres de cette opposition conceptuelle entre le discours philosophique et le réel. Tout se passe comme si une systématicité réellement philosophique, à la hauteur de la supposée dignité de la philosophie, impliquait qu'elle soit capable de rendre compte du réel, de son être, de son sens, de sa structure, etc. Alors non seulement il y a beaucoup de raisons de douter que la philosophie soit capable de dire ou d'exprimer une chose pareille, mais en plus, l'exigence de la science depuis Aristote, c'est évidemment la construction formelle, déductive, de la nécessité réelle. Et il serait tout à fait naïf de considérer aujourd'hui que la philosophie, et y compris l'épistémologie la plus pointue dont on peut disposer, ait quoi que ce soit à voir avec la réalité de cette exigence scientifique de critères de nécessité. La prétention d'une forme beaucoup trop courante de philosophie à vouloir rendre compte, c'est-à-dire décrire, déduire, exposer, étaler, formaliser ou cataloguer le réel, ne revient qu'à dresser un immense écran de fumée qui consiste à poser a priori que la philosophie trouve le critère de sa systématicité dans la garantie de la correspondance, de l'adéquation de son dire au réel. Être philosophe, de ce point de vue, c'est avoir la tâche relativement inepte de dire le réel, autrement dit de disposer d'un critère inattaquable via le langage ou la perception, par exemple, pour dire que oui, aujourd'hui, ma chemise est réellement de couleur noire. La contre, la philosophie postmoderne, dans les moments de son émergence autour des années 60, va tenter à tout prix de ne plus poser la question de la systématicité philosophique dans les termes de l'opposition conceptuelle, du discours philosophique et du réel. Mais en même temps, si la tâche de la philosophie n'est pas de rendre compte du réel, de quoi d'autre pourrait-elle donc rendre compte, sans perdre, au passage, son intérêt propre ? Les postmodernes vont déplacer cette question. Il ne s'agira plus de rendre compte du réel, mais de rendre compte de la manière dont une énonciation prédicative, au sens large, c'est-à-dire que cette énonciation soit privée, orale ou écrite, prétend rendre compte du réel. La grande question postmoderne, c'est la suivante. D'où parles-tu ? Sur quel sol préjudiciel t'appuies-tu lorsque tu prétends rendre compte du réel comme tel par des énoncés ? La seule manière de sortir de l'opposition du discours philosophique et du réel, c'est évidemment d'éliminer la question du réel, au sens où la caractérisation de ce réel n'est pas une question qui soit à la mesure du discours philosophique, et cela au niveau où cela a un sens de différencier, d'autonomiser ce type particulier de discours par rapport aux autres sciences humaines, par exemple. Il ne s'agit pas là de dire que la philosophie s'engage dans une voie strictement herméneutique, interprétative, dévouée à la seule interprétation des énonciations. Il s'agit seulement de prendre en compte que le critère de la systématicité philosophique ne réside pas, ne peut pas résider dans une adéquation de son dire et du réel qu'elle dit, mais qu'elle doit être légitimement retrouvée à même son énonciation. La question qui se pose alors, pour qui tend vers une telle conception de la philosophie, c'est précisément de savoir comment il demeure possible qu'un tel discours philosophique garde un certain caractère de systématicité, bien qu'il soit dépourvu de tout fondement, de tout principe métaphysique, de tout absolu, qui permettrait de s'autoriser d'une quelconque réalité générale ou universelle dont le philosophe n'a pas plus que quiconque la moindre idée. Si l'on peut séparer la question de la systématicité philosophique de celle de la systématicité du réel, on réduit certes à première vue le champ de pertinence du discours philosophique. Néanmoins, il faut tout de suite ajouter qu'en évacuant la question de la philosophie comme système, comme science, il n'est pourtant pas obligatoire d'évacuer du même coup une catégorie comme celle de la vérité, pour peu qu'elle soit repensée en dehors du paradigme de la vérité correspondance avec un objet ou un état de choses réel. Les postmodernes vont donc essayer de ressaisir le sens de la catégorie de vérité à travers une réflexion sur les concepts et la discursivité spéculative que l'on peut circonscrire à même les énonciations, que ces énonciations soient ou non dites philosophiques. Alors je crois qu'au tournant des années 75-76, avec des œuvres comme le Kafka de Deleuze et Guattari, la carte postale de Derrida ou la volonté de savoir de Foucault, les postmodernes, quittant leur premier terrain conceptuel, qui était celui d'une opposition forte aux critères de la systématicité philosophique hegelienne, vont trouver une façon de sortir du dualisme du discours philosophique et du réel. Jusqu'ici, la grande question philosophique des postmodernes était de savoir comment élaborer une ontologie qui puisse rendre compte de tout le réel au travers d'une théorie de la connaissance suffisamment souple pour ne pas refouler la connaissance spécifique des fous, des prisonniers, des malades, etc. Il s'agissait, tout en restant dans le cadre formel, dialectiquement tripartite de l'ontologie hegelienne, il s'agissait d'ouvrir les fenêtres de celle-ci sur son dehors, sur son hétérogénéité, comme on dit, quitte à ce que l'indétermination conceptuelle soit le seul matelas capable d'amortir de tels phénomènes hétérogènes. Or, l'évolution de l'ontologie postmoderne au profit d'une pluralisation des champs disciplinaires, et donc par voie de conséquence des champs conceptuels, ouvre la voie, encore très largement inexplorée, d'un travail philosophique qu'on peut définir minimalement comme une analyse conceptuelle, analyse de ce qui fait, depuis l'intérieur d'un discours donné, la vérité supposée des concepts mobilisés, et donc également la systématicité de leur exposition et de leur enchaînement discursif. Ce qui se dégage ici, et qui représente un moment décisif dans la construction de la pensée postmoderne, c'est la scission de l'ontologie et du réel. L'ontologie ne sera plus désormais comprise comme discours sur l'être, mais comme discours sur l'être conceptuel et discursif, ce qui, évidemment, n'a rien à voir. À partir de là, on voit bien que plus rien n'oblige à penser la systématicité, y compris de l'ontologie, sous une forme tripartite, expressément hegelienne, et même, en réalité, parfaitement grecque. Elle sera désormais plurielle, non ternaire, et devra rendre compte de la systématicité des enchaînements discursifs dénoncés plutôt que de la systématicité du réel, de sorte que l'ontologie, que cela soit dans sa première ou deuxième version, j'y arrive, représente bien un critère interne de systématicité philosophique, au sens où elle n'a besoin de rien d'extérieur au discours philosophique pour asseoir sa systématicité intrinsèque. Mais à ne considérer que la question de l'ontologie, que le seul critère interne de la systématicité philosophique, on court le risque immense de présupposer même implicitement cette thèse que l'objet du discours philosophique, c'est seulement le discours philosophique. Outre qu'elle plonge dans la pensée, et outre qu'elle plonge la pensée dans un cercle logique, cette thèse a le malheur de rendre la philosophie totalement absurde, sans prise sur quoi que ce soit de tangible, et il faut donc retrouver, à côté de ce critère interne, un critère externe cette fois, qui permette à la philosophie de conserver une prise sur le réel, qui permet de... Les philosophes postmodernes vont donc aller chercher ce critère externe de systématicité philosophique à même les concepts et les enchaînements discursifs des énonciations. La question qui se pose est alors la suivante. Comment penser la vérité d'un concept ou d'un énoncé, attendu qu'il faut rechercher, hors de toute référence au réel, ce qui confère un certain caractère de systématicité à ces énoncés et à leur enchaînement? En effet, la systématicité de la philosophie ne se réfère plus au système du réel. Si on ne la réfère plus au système du réel, peut et doit être pensée comme une expérience tout à fait basique, à savoir l'expérience pour un lecteur philosophique donné, un lecteur philosophe donné, du comprendre, l'expérience du comprendre. Il n'y a pas besoin, au demeurant, qu'un énoncé soit bien formé, comme disent les logiciens, pour faire cette expérience du comprendre. Par exemple, je comprends aussi bien, sinon mieux, ce que me raconte mon dentiste ou mon boucher que les énoncés de Descartes, sans qu'aucun des deux n'ait à souffrir, à proprement parler, d'une déficience de rationalité. Il est parfaitement évident que les deux types d'énonciations s'enchaînent selon l'exigence du discours rationnel. Qu'est-ce qui pourrait alors venir les différencier? L'ontologie, telle que nous l'avons présentée, n'est pas par elle-même un énoncé, ni même un groupe d'énoncés. Elle renvoie seulement à des déterminations conceptuelles fondamentales qui sous-tendent l'ensemble d'un discours philosophique, détermination que le philosophe est tenu de respecter scrupuleusement lors de sa production d'énoncés, sans quoi la critique s'ensuivrait d'elle-même. Or, ce discours qui s'efforce de rester fidèle aux déterminations conceptuelles qu'il postule préalablement à son déploiement, c'est ce que j'appelle ici, précisément, spéculation. Par quoi nous pouvons commencer à différencier, mais seulement en degré, l'opinion comme un discours, une énonciation qui reste au fond de même nature que la spéculation, mais qui ne s'efforce pas directement, intentionnellement, à une telle fidélité aux déterminations ontologiques. Dès lors... Tout le travail conceptuel des post-modernes que je nomme ici analyse conceptuelle revient à rendre compte de la façon dont se nouent ontologie, dont se nouent les critères internes ontologiques et les critères externes conceptuels au sein d'un discours organisé, nœud qui nomme à proprement parler la systématicité philosophique. Que ces critères internes ou externes apparaissent sous la forme d'un pensée, cela dérive du fait que chaque énoncé prédicatif suppose par lui-même un certain nombre d'énoncés qu'il sous-tende, en implique un certain autre nombre qui en dérive. Ce que nous montre cette conception des postmodernes, au niveau des impensés politiques, cliniques, esthétiques, inhérents à tout partage conceptuel, impensés qui se présentent comme le fond obscur, contextuel et contingent sur lequel va venir s'effectuer le partage conceptuel, ce que nous montre donc cette analyse, c'est bien la systématicité. C'est bien que la systématicité philosophique s'inscrit aussi bien dans son critère interne ontologique est visible à même l'organisation du discours, mais qu'aussi bien elle doit être saisie, ressaisie par les raisons qui président aux déterminations des concepts et à leur remplissement. Ces raisons, bien qu'elles ne sauraient être neutres, désintéressées, et qu'au contraire elles soient le plus souvent stratégiquement orientées, il faut bien le dire quand même, par des motifs politiques, ces raisons externes, donc, structurent tout autant la systématicité philosophique que les considérations ontologiques y compris là où elles apparaissent comme réellement impensées par l'auteur du discours. Bon, pour terminer, je crois qu'un certain état de la réflexion philosophique dite postmoderne, centrée sur la question de l'ontologie, donc, et de la consistance des concepts, consistance, je répète, politique, clinique ou esthétique, permet d'éliminer d'un point de vue critique un bon nombre de critères de systématicité périmés, employés régulièrement par les philosophes modernes et contemporains. On pourrait même en dresser une liste. Toutes ces positions absolues, tous ces points de départ possibles en philosophie, censés fonder par eux-mêmes la systématicité même du discours, tombent sous le coup de ce que j'appellerais, pour ma part, une diplomatie transcendantale, propre au discours philosophique, qui garantit frauduleusement à ce discours d'être a priori homogène à son objet réel. En ce qui concerne donc la systématicité, il s'agit bien, il me semble, d'éviter ici une double erreur, et double erreur que pointent les postmodernes. La première serait de considérer que la systématicité philosophique trouve sa clé d'intelligibilité quelque part dans le réel, erreur corrigée par le repli sur l'ontologie et la spéculation, conçues comme déconnectées de la question de leur correspondance au réel. Mais la seconde erreur reviendrait à l'inverse à considérer que les concepts philosophiques ne renverraient quant à eux qu'à un espace clos du discours philosophique, et à faire en somme non plus un système clos du monde, mais un système clos du discours philosophique lui-même, comme si un concept était une représentation fixe, une photo discursive neutre, là où chaque concept engage bien plutôt, outre son articulation réglée avec d'autres concepts, des déterminations extérieures, déterminations qui peuvent bien renvoyer à des stratégies diverses, mais qui relèvent le plus souvent d'une perspective idéologique particulière et tout à fait déterminable, c'est-à-dire d'un susceptible d'un diagnostic précis à même les concepts. Je vous remercie. Alors, merci pour cet exposé qui soulève une question importante qui est, me semble-t-il, sous-jacente seulement aux deux exposés précédents, mais aussi plus globalement à la réflexion sur les modalités et les enjeux de constitution du mot système, celle donc des rapports entre le discours philosophique et le réel. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ? J'ai bien senti une véhémence du texte, mais je n'ai pas saisi l'adversaire. Est-ce que c'est... L'adversaire est partout. Ça mentionnait Aristote et Hegel. Donc, il y a en soi-même. Ouais. Les auteurs mentionnés sont... une partie de leurs œuvres, c'est celle de l'histoire de la philosophie. Et je vais donner seulement deux exemples. Par exemple, tout ce qui est l'analyse du non-dit et de ce qui est derrière et caché dans la position du locuteur, je pense que ça doit beaucoup aux analyses de la dialectique de Hegel et par exemple l'école de Francfort, mais pas seulement eux, une référence constante et souvent critique dans le dossier de la revue Labyrinthe. Donc la négativité du changement est théorique. Théorisé par Hegel et sert beaucoup dans l'œuvre des penseurs que vous avez mentionnés. Pour ne pas parler de la finesse des analyses des grands moralistes du XVIIe siècle. Et un autre point, quand même, la philosophie du XVIIe siècle se définit par une position critique, par une analyse des pouvoir intellectuel de l'homme, dans le cas de Kant, ou une analyse des institutions savantes et de l'histoire de leur constitution intellectuelle chez Vicot, par exemple. Donc, par exemple, il y a ces deux points, la dialectique et la critique, qui sont bien présents dans l'histoire de la philosophie. Ces auteurs, la philosophie postmoderne, reprend des grands et anciens idées de l'histoire de la philosophie. Bah, et tout à fait, c'est-à-dire que comme n'importe quel courant philosophique, je pense que ce qu'on appelle le postmodernisme ne vient pas de nulle part, et y compris dérive d'une lecture assez pointue en général des textes de tous les textes de la tradition. Alors, sur la question de la dialectique hegélienne et du rapport à l'école de Francfort, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il est très certain que les postmodernes se définissent contre Hegel, principalement, au moins dans leur émergence, c'est-à-dire en critique, avec y compris les éléments les plus conceptuels et les plus difficiles de la dialectique hegelienne, tels que Kojève les a remis donc au goût du jour au début du siècle. Séminaire de Kojève auquel à peu près tout ce qu'il pense dans les années 20 et 30 et 40 était présent. Sartre, Breton, Aron, tout le monde. Je pense que l'affrontement avec Hegel permet de séparer deux moments de réflexion et deux moments dans l'histoire de la philosophie postmoderne. Parce que en la critiquant, elle la présuppose fatalement. Et il y a un moment où ils vont s'en apercevoir. Plutôt que d'affronter directement les conceptions de la dialectique hegelienne, ils vont essayer de faire sans. Alors c'est extrêmement difficile, et du coup, chacun aura sa petite idée, Foucault, Deleuze, Derrida, aura son idée sur la manière dont on peut arriver à se passer et à éliminer un penseur aussi massif et une théorie aussi géniale que la dialectique hegelienne. Après, sur la question du rapport à l'école de Francfort et de la critique, d'abord d'Adorno et de la raison dialectique, je dis, il faut vraiment les différencier, et principalement parce que à l'école de Francfort, on a une pensée très forte de l'individu et de l'agent théorisant, en général. Conception qu'il n'y a pas du tout. En revanche, chez les philosophes postmodernes, où on nous rabâche des choses sur la pré-singularité, le groupe comme individu, etc. Et je crois qu'il y a une différence, y compris qui engage après des différences théoriques et politiques très fortes entre les postmodernes classiques et l'école de Francfort, même si évidemment certains thèmes se recoupent dans leurs analyses. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, la dialectique hegelienne, elle n'est pas tripartite. Elle comporte deux termes et elle a trois temps. Premier terme, l'identité. Le deuxième terme, c'est la différence. Et le troisième terme, c'est l'identité, l'identité, la différence. Merci de rappeler ce que j'avais pas eu le temps de dire. Oui, mais tripartite, ça veut dire trois parts. Il y a trois parties. Il n'y a pas trois parties, il y a trois moments dans un processus qui est dialectique, c'est-à-dire qui met en œuvre deux termes opposés, en opposition. Et ça, c'est le premier. La deuxième réflexion que je voulais donner, c'est le « d'où parlez-vous ». Paradoxalement, le « d'où parlez-vous » vient de Marx. C'est-à-dire que toute position... Et Marx vient de Hegel. Bon, lorsqu'on pose effectivement le développement de la pensée, que la négativité vient à dire que toute position est une position située, toute situation est une situation dans un processus de production, donc une situation de classe, et donc qui correspond à des intérêts de classe, effectivement, on peut aussi l'actualiser aujourd'hui et demander à chacun, quand il prend la parole, de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans son compte bancaire, combien il gagne d'argent, qu'est-ce qu'il fait de son argent, et on se donnerait une représentation très correcte à la fois de sa position philosophique, de sa finalité, de sa manière de vivre, et au fond, de dire quelle est, au fond, l'universalité de son dire. On pourrait aussi l'actualiser. On reviendrait toujours à Hegel et à Marx, c'est-à-dire à des penseurs de la liberté. Mais Sartre n'a pas suivi. Mais Sartre n'a pas suivi le cours de Kojève. Quant à Kojève, il a été beaucoup plus kojévien que hegelien. Lui-même, il le reconnaît dans une lettre qu'a publiée Offray dans cette biographie. Y a-t-il d'autres questions? Eva, vous avez une question. J'aurais juste une précision à demander. En fait, je connais pas très bien les philosophies postmodernes, mais quand il parle de Hegel, il parle vraiment en termes d'adéquation absolue avec le réel de l'esprit. L'adéquation de l'esprit avec le réel, une correspondance de l'esprit avec le réel. C'est la finalité de la philosophie hegelienne. C'est-à-dire que la force de et la souplesse de la philosophie de Hegel, c'est que tout le processus dialectique est sous-tendu par le travail du négatif. Et le travail du négatif, c'est pas rigolo tous les jours. C'est-à-dire que... Mais au final, il s'agit tout de même d'en arriver à une adéquation du dire et du réel. C'est-à-dire que le travail ultime de la philosophie, selon Hegel, c'est tout de même de rendre compte de ce qui est, de ce qu'il y a. Mais que l'adéquation est au début et à la fin. du processus dialectique. C'est sûr que entre les deux, il n'y a que du travail du négatif. Mais il y a une difficulté à parler d'adéquation, en mon sens, même du miroir. Alors par ailleurs, je prétends pas être un grand historien de la philosophie de Hegel. Simplement, il y a un fantasme de Hegel qui est propagé, y compris par les postmodernes. C'est-à-dire qu'ils se font une idée dantesque d'un Hegel indépassable qui aurait achevé tout, et après qui on ne pourrait plus écrire en philosophie. Et ce fantasme est extrêmement prégnant chez ces trois auteurs, Deleuze, Derrida et Foucault. Ils le disent eux-mêmes. Et donc il ne s'agit pas tant de dire que Hegel aurait raconté n'importe quoi que d'essayer de cibler une certaine lecture, sans doute un peu trop hâtive d'un point de vue historique, des postmodernes, de Hegel par les postmodernes. Alors, je vous propose de poursuivre la discussion pendant la pause. Donc nous avons 15 minutes de pause, nous reprenons à 11h15. Je voudrais remercier donc les intervenants de ce matin pour la qualité de leurs exposés et aussi pour d'avoir respecté le temps de parole qui leur était imparti. Merci madame.